pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Puis, quand viendra le grand cataclysme ? يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. وبرزت الجحيم لمن يرى. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. فأما من طغى. Quant à celui qui aura dépassé les limites. وآثر الحياة الدنيا. Et aura préféré la vie présente. فإن الجحيم هي المأوى. Alors l'enfer sera son refuge. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. فإن الجنة هي المأوى. Le paradis sera alors son refuge. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre ? فيما أنت من ذكراها. Quelle science en as-tu pour le leur dire ? إلى ربك منتهاها. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. إنما أنت منذر من يخشاها. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin.